À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, rassemblement conjoint, séminaire sur les exploits du général Kim Jong-il, exposition de livres et de photos et séances de films ont eu lieu au parti politique, formation et établissement du Nigeria. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les photos qui présentent la vie révolutionnaire sacrée du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Par ailleurs, y étaient exhibés les livres exaltant les exploits des grands leaders, les livres et les photos montrant les fiers succès des militaires et civils coréens dans l'édification d'un État puissant socialiste sous la direction clairvoyante du dirigeant suprême Kim Jong-un. En séance de film, on a projeté les documentaires coréens comme « Trésor éternel à l'éloge du soleil » et « Drapeau du Parti du Travail de Corée ». Y ont pris part les personnalités de divers partis politiques, formations et établissements, notamment le Comité préparatoire national pour le 75e anniversaire de son Excellence Monsieur le Généralissime Kim Jong-il, le Parti démocrate populaire, le Comité national d'études du kim-sunnisme Kim Jong-ilisme, l'Hôpital pour les femmes et enfants de l'État de Zampara. Au rassemblement conjoint, on a adopté le message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.